Chapitre 7. À droite du chemin de fer, assise sur deux coteaux au pied desquels coule le Blavet, s'élève la jolie petite ville d'Ennebon. Enclose dans ses murailles, sur un sommet, la vieille ville n'a pu s'étendre, mais une ville sœur, neuve et riante, s'est établie en face d'elle. « Ennebon !» Ce nom jeté à pleine voix sur le quai par le conducteur du train éveilla une foule de souvenirs historiques dans l'esprit d'Emmanuel. Jeanne la Flamme avait été une de ses héroïnes, au temps où Mademoiselle Cabaron lui racontait la Bretagne. La biographie de l'héroïque duchesse avait gravé dans la mémoire de l'enfant tous les faits de la lutte entre Jean de Montfort et Charles de Blois, lutte dans laquelle celui-ci eut d'abord l'avantage. Jean de Montfort, troisième du nom, reconnu par les États pour légitime duc de Bretagne, assiégé dans la ville haute, fut pris par le frère du roi de France et conduit prisonnier à Paris. Mais la captivité du duc ne devait pas abattre pour longtemps le courage de son parti. Une femme, qu'on a justement surnommée la Clorinde du Moyen-Âge, le releva. Prenant entre ses bras son fils encore enfant, elle se présenta avec lui au milieu de ses barons consternés. « Montfort est pris, leur dit-elle, mais rien n'est perdu. Ce n'était qu'un homme. Voici mon fils qui sera, s'il plaît à Dieu, son restaurier, et vous fera du bien assez. » Puis elle s'enferma dans Ennebon que Charles de Blois attaqua vainement. Elle fit lever le siège aux Français et rétablit les affaires de sa maison. L'incroyable audace dont cette femme extraordinaire donna des preuves pendant le siège d'Ennebon, en allant incendier le camp des Français, la fait surnommer par le peuple Jeanne la Flamme, Jeanne d'Ic Flamme. La ville marquée, Barzaz-Braise. « Qu'est-ce qui gravit la montagne ?» s'écria Emmanuel en achevant sa narration. « C'est un troupeau de moutons noirs, je crois. Ce n'est point un troupeau de moutons noirs, une armée, je ne dis pas. Une armée qui vient mettre le siège devant Ennebon. » Tandis que la duchesse faisait processionnellement le tour de la ville, toutes les cloches étaient en branle, tandis qu'elle chevauchait sur son palefroy blanc, avec son enfant sur ses genoux. Partout sur son passage, les habitants d'Ennebon poussaient des cris de joie. « Dieu aide le fils et la mère, qu'ils confondent l'ennemi !» Comme la procession finissait, on ouït les Français crier. « C'est maintenant que nous allons prendre, tout vivant dans leur gîte, la biche et son faon. Nous avons des chaînes d'or pour les attacher l'une à l'autre. » Jeanne la Flamme leur répondit alors du haut des tours, « Ce n'est pas la biche qui sera prise. Le méchant loup, je ne dis pas. S'il a froid cette nuit, on lui chauffera son trou. » En achevant ces mots, elle descendit furieuse, et elle se revêtit d'un corset de fer. Elle se coiffa d'un casque noir. Elle s'arma d'une épée d'acier tranchant. Elle choisit 300 soldats, et un tison rouge à la main, elle sortit de la ville par un des angles. Or, les Français chantaient gaiement, assis en ce moment à table, réunis dans leur tente close. Les Français chantaient dans la nuit, lorsqu'on entendit au loin chanter une voix singulière. « Plus d'un qui rit ce soir pleurera avant qu'il soit jour. Plus d'un qui mange du pain blanc mangera de la terre noire et froide. Plus d'un penchait la tête sur la table, ivre mort, quand retentit ce cri de détresse. « Le feu, ami, le feu, le feu, le feu, le feu, ami, fuyons !»« C'est Jeanne la Flamme qui l'a allumé. » Jeanne la Flamme avait mis le feu aux quatre coins du camp, et le vent avait propagé l'incendie et illuminé la nuit noire, et les tentes étaient brûlées. Emmanuel fut interrompu en ce point par l'arrêt du train à Lorient. Mobile comme tous les enfants, il laissa son guers inachevé, récitant d'un ton d'écolier, comme en réponse au cri du conducteur. « Lorient, port militaire et place de guerre de deuxième classe, situé sur la rive droite du Scorff, à son confluent avec le Blavet, se compose de Lorient proprement dit, ville fortifiée, et du faubourg de Kerentrec. La gare est établie entre la ville et le faubourg, le cours Chazel, long de 500 mètres, celui que nous suivons, maire, conduit à la porte du Morbihan, qui est la principale entrée de la ville. « Quand as-tu appris cela ?» dit sa mère. « Ce matin, avant de partir ?» La ville de Lorient, grise, régulière, avec des maisons hautes, des rues mornes, offre peu d'intérêt. Un seul monument éveilla l'enthousiasme d'Emmanuel, non pour sa beauté artistique, mais pour le fait dont il perpétue la mémoire. La statue de l'enseigne Bisson, représentée au moment où il met le feu aux poudres et se fait sauter avec son brick, tombée au pouvoir des pirates grecs. Que pouvait lui dire le tombeau de Briseux ? Il était trop jeune pour connaître le poète breton. La statue de Victor Massé ne le frappa pas davantage, et il avait le goût trop pur pour s'attarder à contempler l'église Saint-Louis. L'arsenal, disait-il, était la seule chose à voir à l'Orient, la ville étant suffisamment connue après qu'on l'avait regardée du haut de la tour de la découverte. Après avoir parcouru l'arsenal, vu les cuirassés, les torpilleurs, les obus de fort calibre, visité la salle d'armes, il en sortit navré, ayant peine à comprendre comment, à une époque de civilisation, on faisait tant d'efforts pour perfectionner l'art de tuer. Il n'avait pu voir sans frissonner des plaques d'acier épaisses de plus de 60 centimètres traversées par des obus. Son émotion s'accrut encore pendant qu'il parcourait les divers étages d'un énorme cuirassé alors en construction. Là, ce ne furent pas seulement les engins de carnage qui le préoccupèrent, mais encore la vie des chauffeurs et des simples matelots à bord. Égalitaire, ainsi qu'on l'est presque toujours dans l'enfance et la prime jeunesse, il comparait avec une sorte de tristesse indignée l'appartement élégant et commode de l'amiral, avec l'entrepont sans air où les pauvres Mathurins n'avaient qu'un hamac dans lequel ils ne pouvaient se glisser qu'en s'enlevant à la force des poignets. Il avait hâte de quitter l'Orient. Il ne voulut même pas convenir que la place était riante sous le beau soleil d'été, avec l'animation de son marché, le va-et-vient des coiffes blanches, le pittoresque des costumes. Il insista pour repartir bien vite, et comme sa mère ne savait pas lui résister, le premier train qui passa les emporta vers Quimperlé. Siegfried haïssait l'imprévu. Dès que Madame Thouvenin lui eut communiqué son dessein d'aller en Bretagne, il avait préparé un itinéraire très étudié dans lequel tout était prévu, jusqu'aux hôtels dans lesquels on devait descendre. Sous ce dernier point de vue, l'exact Siegfried n'avait pas vu jusqu'alors déranger ses plans. À Quimperlé, force lui fut de reconnaître que l'imprévu n'est pas quantité négligeable en voyage. Un essaim de parisiennes exotiques, on voudra bien, je l'espère, nous passer cette expression, voltigeait dans la cour de la gare, surveillant l'emmagasinement d'une foule de petits colis encombrants dans l'omnibus de l'Hôtel de France. Un gentleman très long, orné d'un long nez, de longs favoris à l'anglaise et d'un long cache-poussière en soie écrue, dirigeait de son côté le chargement d'un nombre exagéré de malles fort lourdes. L'omnibus s'emplissait à vue d'œil. L'échafaudage de malles s'élevait de plus en plus menaçant. Le long gentleman et les señoritas continuaient à faire la navette de la salle des bagages à la voiture. Lui, une valise d'une main, un sac à bijoux de l'autre, un paquet d'ombrelles sous chaque bras. Elle, traînant deux petits chiens en laisse, portant un sabot à perroquet, des serins en cage et gazouillant un langage musical qui devait être le même que parlait le long gentleman, mais qui prenait dans la bouche, surtout dans le nez de celui-ci, des sons beaucoup moins harmonieux. « Dios mio !» glapissait une grosse dame écrasée par un énorme chapeau rond et encapuchonnée de gaze blanche avec l'air compliqué d'une genevoise. « Dios mio, Lolita, où est passé le sapajou ?» Madame Thouvenin pensa qu'il serait imprudent de choisir le même hôtel que ces exotiques qui traînaient après eux une ménagerie et tout un déménagement. Elle préféra gagner la ville à pied pour chercher un autre hôtel. S'il n'y en avait pas de convenable, il serait toujours temps d'aller à l'Hôtel de France. Après avoir marché pendant quelque temps le long du chemin qui mène à l'Hôtel de France, elle réfléchit qu'il était plus sage de couper à travers la ville. C'était jour de foire, la plus grande animation régnait partout. Sur la place Saint-Michel, ils virent quelques vieillards vêtus encore des costumes de leur jeunesse, larges bragoubras de toile blanche, guêtres noires, ceinturons de cuir, vestes à double poches et longs cheveux bouclés tombant sur les épaules, ou bien culottes étroites, guêtres brodées d'un large liseré blanc et vestes de couleur claire. Ils se mêlèrent à la foule, observant avec curiosité les coiffes aux barbes flottantes des femmes, leurs grandes collerettes brodées ou plissées à petits plis, et, par-ci, par-là, quelques riches costumes couverts de broderies éclatantes. Puis, la faim les rappelant à l'ordre, ils se remirent en marche. Pendant qu'ils descendaient l'âpre versant de la hauteur de Saint-Michel, sur laquelle s'étage Quimperlé, ils voyaient se dérouler au-dessous d'eux la coquette petite cité avec ses jardins, ses maisons vieilles, ses deux rivières qui se confondent en la traversant, et tout en bas un beau couvert de tilleuls en deçà duquel on distinguait un grand remuement de monde d'où jaillissaient, avec un éclat de fleurs épanouies, les grandes collerettes de dentelles et les coiffes blanches dont les longues barbes flottaient avec des palpitations d'ailes. À mesure qu'ils approchaient, des meuglements de bestiaux, des grognements de porcs, des hennissements de chevaux arrivaient jusqu'à eux, se détachant du bruit sourd que font les foules. Deux belles filles montaient, se tenant par le doigt du cœur, l'une blonde, grasse, éclatante, avec des yeux noirs, l'autre plus petite, mince, brune, toutes deux d'une fraîcheur de pêche, d'une gaieté d'oiseau, couvertes de dentelles et de broderies couleur d'or. Les nombreux rangs de velours cousus sur leurs manches indiquaient l'antiquité de leur race. Les galons d'or et d'argent qui s'y mêlaient disaient leur fortune. « Oh, mère, les deux jolies jeunes filles !» s'écria Emmanuel. « Et quel beau costume !» fit Madame Thouvenin. Deux filles de cette noblesse paysanne si fière de l'ancienneté de son séjour sur la terre d'Armor, dit Siegfried. « Et riche avec cela, surtout la blonde !» 10 galons d'or sur chaque manche, soit 20 000 francs de dot. » Les Bretonnes, qui avaient examiné en passant la toilette de Madame Thouvenin en femmes qui s'y connaissent, sourirent à Emmanuel, soit pour son compliment, soit pour sa grâce d'adolescent. Malgré sa connaissance des choses de leur pays, Siegfried n'obtint d'elle qu'un coup d'œil négligent. Elles passèrent en riant, continuant l'entretien commencé. Ils arrivèrent ainsi au bas de la ville, se dirigèrent vers les tilleuls, traversèrent un petit pont et trouvèrent derrière les arbres un hôtel de bonne apparence, précédé de massifs de roses, de fuchsia et de ces grandes renoncules blanches du Japon qui sont larges comme des dahlias. Un hôtel confortable, tenu par le plus aimable des maîtres d'hôtels de France et de Navarre, l'hôtel du Lion d'Or et des voyageurs. À Quimperlé, pas grand-chose à voir. Quelques maisons vêtues d'ardoises, depuis la pointe de leur toit aigu jusqu'au linteau des fenêtres du rez-de-chaussée. Saint-Michel, qui est la cathédrale et la basilique de Sainte-Croix. Saint-Michel est une grande église avec une étroite et longue nef sans bas-côté, qui date du XIVe siècle. Un chœur flanqué de 2 collatéraux et une tour carrée dont la riche ornementation appartient au style en faveur au XVe siècle. Le porche nord a perdu ses statues. Ses niches vides, la teinte de son granit, les végétations que le temps a développées partout où une graine a pu germer, un lichen ou une mousse accrochée ses racines, lui donnent un aspect désolé, presque l'air d'une ruine. Pourtant, il se recommande encore par une foule de jolis détails et par son intrado découpé en trèfles à jour. « Toutes ces églises tournent dans ma tête, » disait Madame Thouvenin. « Je les confonds si bien que je ne puis savoir où j'ai vu ceci ou cela. Impossible d'en retrouver une tout entière, excepté Saint-Armel, cependant. » « Et Sainte-Croix, madame !» interrompit Siegfried en poussant la porte de la basilique et en s'effaçant pour laisser passer la jeune femme. « Elle est d'un style assez particulier pour qu'on ne l'oublie pas, du pur byzantin !» Madame Thouvenin laissa échapper une exclamation de surprise, tant la disposition de Sainte-Croix lui parut singulière. C'était l'église d'une abbaye de bénédictins fondée en 1209. Les moines l'avaient édifiée à l'imitation de l'église du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Les architectes qui l'ont rebâtie après la chute de son clocher central en 1861 en ont exactement reproduit le plan primitif. Elle a la forme d'une rotonde ouverte sur les 4 bras d'une croix grecque formant la nef, le chœur et les croisillons, terminés par les absides. Sous le chœur s'ouvre une crypte divisée en trois nefs par deux rangées de colonnes trapues qui soutiennent la retombée de ses voûtes d'arêtes. Elle renferme la tombe de Saint Gurloès, vulgairement Saint Urloup, premier abbé de Quimperlé, mort en 1057. Une des choses les plus curieuses de Sainte-Croix, c'est un Christ en bois sculpté, un peu plus grand que nature. Ce n'est pas le crucifié que porte la croix, c'est Jésus, grave et doux, vêtu d'une robe flottante, les pieds posés sur le globe du monde, la tête penchée comme pour inviter les petits, les souffrants et les humbles à venir vers lui, les bras ouverts comme pour les recevoir et les presser sur sa poitrine. En sortant de l'église, on fait le tour du cloître et l'on a vu tous les monuments de Quimperlé. Ce n'est donc ni leur nombre, ni leur richesse qui attire les voyageurs. Ce qui les attire et les retient, c'est la beauté des environs, la variété des paysages, tantôt agrestes, sauvages, tourmentés, tantôt riants et calmes. Monsieur Métivier, le maître d'hôtel, affirmait qu'il y avait autour de Quimperlé des promenades pour toute une saison. Il vantait, entre autres, l'excursion du Faouet, village situé à 21 km de la ville, dans la partie montagneuse de la région. Madame Thouvenin décida qu'elle prendrait une voiture le lendemain pour aller au Faouet, la course étant trop longue pour l'entreprendre sur le champ. Tandis qu'elle errait sous les tilleuls, suivant d'un regard distrait le mouvement du marché, une jeune servante vint l'avertir que la voiture était prête. « Quelle voiture ? Celle de monsieur ? Monsieur a pensé qu'une promenade en forêt par ce beau temps serait sans doute agréable à madame et à son fils. Monsieur a fait atteler le break parce qu'il emmène aussi les dames anglaises. On n'attend plus que madame. » C'était vrai. Emmanuel était assis sans façon auprès d'une élégante miss, la plus blonde, la plus fraîche qu'on pût rêver. Siegfried était installé en face de son élève, côte à côte avec une dame d'un âge mûr, dont le port de tête, les larges dents, la lèvre saillante, la distinction triste, rappelaient, comme chez beaucoup de vieilles ladies très distinguées, un utile animal qui fait la richesse des habitants du désert et que, par respect pour la dame en question, nous appellerons le dromadaire. Que pouvait faire Madame Thouvenin ? Monter dans le break. Elle y monta, salua la vieille lady et la florissante jeune miss, s'assit commodément et s'abandonna à son sort. Monsieur Métivier prit la direction du sud et bientôt la voiture roula sous les ombrages séculaires de la forêt domaniale de Carnoët. Emmanuel et la gracieuse miss descendirent pour cueillir des fleurs, Siegfried pour se dégourdir les jambes. Les deux dames restées seules questionnèrent Monsieur Métivier pour se distraire. Elles apprirent ainsi que la petite église de Lotia, située à l'entrée de la forêt, a été bâtie, à ce qu'on dit, par les Templiers, ces sinistres moines rouges dont l'odieux souvenir est flétri par les chants populaires. Elle est visitée par de nombreux pèlerins, le lundi de la Pentecôte, jour du pardon de Tolfoin, appelé aussi le pardon des oiseaux, à cause de la quantité d'oiseaux de toute espèce qu'on y expose pour les vendre. Il n'est pas un gars qui arrive sans apporter au moins un oiselet dans une cage d'osier tressé. Les cages sont rangées autour de la clairière. Les filles les examinent, font leurs emplettes, et comme il n'est pas de bonne fête sans un air de biniou et un peu de danse, la jeunesse emploie la fin de la journée à des gavottes sans cesse recommencées. « Comme dans le roi du biniou !» fit Monsieur Métivier en riant. « Encore une gavotte sonneur, encore une, encore, encore, jusqu'à la nuit close. Et le temps n'y fait rien. S'il fait beau, c'est la poussière qui ternit les broderies des jupes de drap. S'il fait mauvais, c'est la boue, mais cela n'empêche pas de danser. » Il consulta sa montre. « Près de 5 heures. Nous n'avons pas le temps d'aller jusqu'à Saint-Maurice, c'est dommage. » Ce sont de curieuses ruines, celles d'une abbaye fondée au XIe siècle par le duc Conan IV. Partie remise, nous irons un autre jour. La nuit était déjà avancée. Tous les habitants de l'hôtel dormaient sur les deux oreilles, chacun s'abandonnant à ses rêves, tristes ou gais, lorsque des cris éperdus, partant du premier étage, réveillèrent en sursaut les dormeurs. En se réveil précipité, chacun, expliquant ses cris à sa façon, s'élança dans les corridors et les escaliers, criant selon son tempérament ou son rêve interrompu, « Au feu, à l'assassin, à l'aide, tenez bon, allez-vous vous taire, me laisserez-vous dormir ?» et autres exclamations effrayées ou rageuses. Le tumulte s'étant enfin apaisé, ainsi que les émotions diverses, on parvint à comprendre que les cris avaient été poussés par la dame anglaise. Quant à la cause qui les avait provoqués, cela demandait quelques éclaircissements. La dame avait beau répéter en comprimant d'une main les battements affolés de son cœur, « je l'ai vu, il était là !» personne ne trouvait l'explication suffisante. « Qui avez-vous vu ?» demandaient ceux qui n'étaient pas au fait. « Par où est-il entré ? Qu'a-t-il fait ?» disaient ceux qui savaient de quoi il s'agissait. Et la dame répondait, toujours en proie à la terreur, « Il était là, en culotte de soie noire. Il grattait le fond de l'âtre. Il m'a regardée avec des yeux étranges qui luisaient dans la nuit. Je ne veux pas rester là toute seule, coucher quelqu'un devant la porte, qu'il ne revienne plus. » Une servante se dévoua et installa son lit dans la chambre de l'anglaise qui se recoucha. Tout étant rentré dans l'ordre, les initiés confièrent aux autres que les bâtiments de l'hôtel sont justement ceux de l'ancien prieuré de Sainte-Croix. On prétend que le prieur revient toutes les nuits pour chercher le trésor de l'abbaye qu'il a caché à l'époque de la Révolution, ce qui attire à Quimperlé nombre d'anglais et pris du surnaturel. À ce fantastique récit, Emmanuel éclata d'un rire sonore auquel fit écho le rire perlé de sa mère, très amusée à l'idée de la vieille lady, donnant au prieur la culotte de soie noire du révérend Laurence Sterne dans son voyage sentimental. Vaillant comme le voyageur de l'auberge blanche, Siegfried déclara qu'il serait bien aise de succéder à la dame anglaise dans la chambre du prieur, rien que pour voir si celui-ci serait assez osé pour troubler le sommeil d'un parfait matérialiste. Son vœu fut exaucé, mais n'anticipons pas. Le jour du lendemain commence à poindre et nous devons aller au Faouet. Pas encore. Il fait un de ces temps par lesquels d'enragés touristes pédestriens peuvent seuls vaguer par les routes, les toutous eux-mêmes hésitant à passer la porte. Vers 9 heures, le soleil faisant mine de se montrer sous la forme d'un petit pain à cacheter gris sale, le break fut sorti de la remise, attelé de la petite jument baie, et les voyageurs, invités comme la veille à faire un bout de promenade, acceptèrent comme la veille. Le but de la promenade était le manoir de Rogrand, à 3 kilomètres de Quimperlé, sur la rive gauche de l'Ailé, ou plutôt la chapelle de ce manoir. Cette chapelle renferme un élégant jubé de la Renaissance, dont les panneaux inférieurs sont chargés de bas-reliefs représentant des sujets alternativement sacrés et mythologiques, des statuettes parmi lesquelles on remarque la foi, l'espérance, la justice, décorent la galerie supérieure. La nappe d'autel est garnie d'une guipure ancienne dont la richesse fait récrier les dames, ce qui leur valut un sourire bienveillant de la femme qui les conduisait. La pluie se remit à tomber vers midi. Impossible d'aller au Faouet. Quel ennui ! Un ennui ? Non pas. C'était une chance au contraire, parce que le lendemain, on pourrait assister en passant à une noce qui avait lieu chez un fermier connu de M. Métivier. De plus, si la fin de la journée était passable, le maître d'hôtel ayant l'intention de se rendre au pardon de Moëlan à 5 kilomètres environ, il emmènerait ceux de ses hôtes qui voudraient bien l'accompagner. Un pardon après celui d'Auray, cela n'eût guère tenté Madame Touvenin si elle n'eût appris que celui de Moëlan a sa valeur à cause des vieilles coutumes qui y sont encore observées. Il valait bien son prix, en effet, le pardon de Moëlan, avec sa procession, ses nombreuses chasses, ses bannières, ses images de la Vierge et de Sainte-Anne. Dans l'église, bondée de femmes et d'enfants, un court office, puis la procession se forme. Voici d'abord la bannière du saint patron du village, entourée des notables de l'endroit, celle de saint Fiacre portée par les jardiniers, les filles de la confrérie en blanc avec des rubans bleus, rangées autour d'une statue de la Vierge enguirlandée de fleurs, les marins, pieds nus, chancelant sous le poids d'une sainte-Anne toute dorée, d'autres marins encore, avec la Vierge étoile de la mer, Maria Maristella, puis toute la population, les hommes en tête, les femmes derrière. Après avoir fait le tour du cimetière, la procession sort du village pour se rendre à un carrefour sur lequel s'élève un mât de cocagne dont le pied est entouré de fascines. C'est à Sainte-Anne qu'on rend les honneurs. Aussi est-ce une image de Sainte-Anne qui flotte au haut du mât et qu'il s'agit de conquérir. Le clergé arrive, bénit les fascines et y met le feu avec des charbons consacrés. Cette cérémonie, vestige du culte du feu, indique combien le paganisme était puissant chez les vieilles populations armoricaines. Les prêtres ont dû le respecter et en introduire les pratiques dans le culte chrétien pour le faire accepter. C'était Siegfried qui expliquait cela à la blonde Miss, tandis qu'Emmanuel et sa mère apprenaient d'une jolie fille du pays que les choses ne se passaient plus alors comme autrefois. Au lieu de laisser brûler les fagots, pendant que les jeunes gens grimpaient au mât, ce qui rendait les chutes périlleuses, et d'attendre que le mât tombât de son propre poids lorsque sa base était complètement calcinée, on éteignait le feu aussitôt allumé, on écartait les fagots, et le mât n'était abattu que lorsque l'image en avait été enlevée par le grimpeur le plus adroit. Des hurrahs s'élevèrent. Un jeune homme de Moëlan s'était emparé de l'image dont il distribuait les morceaux autour de lui, déjà portée en triomphe par quelques-uns de ses camarades. Au pied du mât, une lutte s'était engagée entre les garçons des trois communes, aux confins desquelles avait lieu la cérémonie. Les uns poussaient, d'autres tiraient, tirés et poussés eux-mêmes par ceux qui croyaient être plus forts ou plus adroits, et mieux réussir à imprimer au mât la direction qu'ils désiraient. D'autres hurrahs s'élevèrent, suivis d'un bruit sourd. La commune de Moëlan était encore victorieuse, le mât s'étant abattu sur son territoire. À elle les belles récoltes, la santé, la prospérité pour toute l'année. L'assistance se dirigea en désordre vers le village, au milieu des cris, des rires, des vivats. Les hommes n'étaient pas encore au seuil de l'église, où ils reportaient châsses et bannières, que les femmes avaient déjà vidé les tasses de cidre dont les cabaretiers avaient chargé les tables en attendant le retour de la procession. Pour être moins solennel que celui d'Auray, ce pardon n'en était pas moins intéressant. Les voyageurs remercièrent vivement M. Métivier de leur en avoir donné le plaisir. La dame anglaise a changé de chambre avec Siegfried. On va dormir tranquille cette nuit. Le jeune précepteur était couché depuis plusieurs heures. Il ne dormait pas. Il rêvait à des choses enfouies au plus profond de sa pensée, des choses folles, il le savait, et ne pouvait pourtant s'empêcher d'y songer dans la veille, d'y rêver dans le sommeil. Il la voyait, le jour même, appuyée à son bras, debout sur le petit mur du cimetière, dont les pierres sèches roulaient sous ses pieds. Ne l'avait-elle pas appelé « Mon cher monsieur Siegfried ?»« Fou, fou, fou, as-tu donc oublié qu'elle te donne des gages ?» « Oui, dégage, fier Siegfried !» S'il t'était permis de feuilleter le mignon cahier à fermoir d'acier sur lequel elle inscrit ses dépenses, tu pourrais y lire en tête de chaque mois « Gage du précepteur », comme si tu ne lui donnais pas mieux que ton temps et tes services, ton savoir, ta pensée, ta conscience, comme si tu ne donnais à son fils plus qu'elle ne lui a donné elle-même, puisqu'elle n'a mis au monde qu'un enfant, et que, de cet enfant, c'est toi qui fais un homme. Il t'aime, ce frêle adolescent, déjà triste du vide de son existence. Il t'aime, c'est vrai. Sais-tu pourquoi, Siegfried ? Parce que tu lui as dit un jour qu'il te parlait de son ancienne institutrice. Ce doit être une jeune fille fort instruite et fort intelligente. Il t'aime parce que tu apprécies Mademoiselle Cavaron, que tu lui permets de rappeler sans cesse le souvenir de sa chère Jacquette, la tendre compagne dont l'aimable douceur lui manque toujours. Crois-tu qu'il puisse oublier que tu es au gage de sa mère? Et s'il l'oubliait, elle s'en souviendrait, elle. On ne fait pas de l'homme qu'on a payé le maître de sa destinée. Tu serais 10 fois moins malheureux dans l'obscur lycée où tu te trouvais si misérable que tu la fuis avec joie pour devenir le précepteur de M. Emmanuel Touvenin, un bambin qui t'a reçu avec hauteur parce qu'il se savait riche, qu'il te savait pauvre et qu'il te payait. Rejette ces folles imaginations, romanesque Siegfried. Reviens à ton unique fiancé, la science. Entends-tu, Siegfried, pauvre fou? Fou, fou, fou. C'était bien cela que répétait au chevet du précepteur l'être dont les yeux fulgurants luisaient dans la nuit. Siegfried se souleva, sondant du regard l'obscurité de sa chambre. Les yeux s'éteignirent, puis reparurent plus loin, ronds, fixes, énormes, emplis d'une froide lueur. Un souffle léger se faisait entendre dans la même direction. Le jeune homme se mit sur son séant, il écouta, et il eut peur. Peur de quoi ? De l'inconnu. Malgré son réel savoir, malgré son dédain des faiblesses humaines, Siegfried ressemblait en cela au commun des mortels. On n'a jamais peur de ce qu'on connaît, l'inconnu seul paraît redoutable. Les yeux avaient changé de place sans cesser d'être dirigés vers Siegfried, qui percevait toujours nettement du même côté un souffle léger et régulier. Le jeune homme commençait à se réveiller, la réflexion lui revenait. Il pensa que le meilleur moyen de se rassurer, c'était de voir à qui il avait affaire, de dévoiler l'inconnu. Il chercha des allumettes, pas d'allumettes. Il se leva, les yeux s'éloignèrent, le souffle se fit plus fort. « Qui va là ? » cria Siegfried. Pas de réponse. Il étendit la main, ne toucha rien, et vit les yeux phosphorescents de l'autre côté de la chambre. Il y courut aussitôt, n'atteignit pas davantage l'être fantastique qu'il poursuivait. Un grand bruit de meubles renversés auquel se mêlait le carillon affolé d'une sonnette réveillèrent bientôt les habitants de l'hôtel, plus surpris encore que la veille. « Là !» disait une vieille servante, « c'est bien sûr que le prieur revient, puisque le jeune monsieur l'a vu aussi !» Un bougeoir à la main, dans le simple appareil d'une jolie femme qu'on vient d'arracher au sommeil, Madame Thouvenin apparut la dernière. À ce moment précis, le précepteur, en appareil encore plus simple, poussait violemment sa porte en criant à tue-tête. « des allumettes, de la lumière, viendra-t-on enfin ?» En même temps, quelque chose de noir bondit par-dessus son épaule, éteignit en passant la bougie de la vieille servante et vint tomber avec un hurlement sur les genoux de Madame Thouvenin que la frayeur avait fait asseoir sur une banquette. La jeune femme s'évanouit pendant que la vieille servante se signait et murmurait des exorcismes. Une voix cria d'en bas « Je le tiens, est-ce qu'il est de la maison ? Qui ? Ce chat noir qui vient de rouler dans l'escalier ?» Un éclat de rire homérique réveilla tous les échos de la vieille maison. Les portes se fermèrent une à une. Madame Thouvenin, revenue de son court évanouissement, rentra chez elle, soutenue par la vieille servante qui redoublait ses orémousses et ses signes de croix, car le diable, comme on sait, prend parfois la figure d'un chat noir. Siegfried eut un moment l'idée de se fâcher, convaincu que quelque mauvais plaisant avait glissé le malencontreux matou dans sa chambre. « La nuit porte conseil, dit-on. Si ce ne fut elle, ce fut sans doute le bon sens qui conseilla au jeune homme de s'abstenir. Le lendemain matin, l'observateur le plus superficiel aurait pu remarquer que le précepteur n'avait pas sa morgue habituelle. Il était même un tantinet penaud. Emmanuel était trop bien élevé pour faire aucune allusion aux événements de cette nuit mémorable. Madame Thouvenin, qui se sentait un peu confuse du mauvais tour que lui avaient joué ses nerfs, n'en parla pas non plus, de sorte que, Siegfried ayant retrouvé graduellement son aplomb, les relations de ces trois personnes ne tardèrent pas à reprendre leur cordiale familiarité.